Les notes se répètent comme ses yeux dans ma tête, ses doigts sur le piano m'envoûtent comme ses mots. Alors je me révèle, mes confidences sont pour elle, elle fait de même. C'est notre histoire qui se sème. Quelques accords de guitare ont fait le lien entre nos regards. Sa voix qui porte dans la pièce, il n'y a plus qu'elle qui m'intéresse. Un verre de rouge, une cigarette, cette soirée doit rester chut, secrète. C'est un tout petit peu comme Adam qui croque une pomme, c'est la tentation qui veut. Moi je n'ai rien demandé à Dieu, elle s'appelait comme moi. Sauf que ses lettres ne le voulaient pas. Elle se plaçait donc dans un autre sens pour donner celle à laquelle je pense. À l'heure où nos yeux sont clos, je l'ai vue silhouette de dos. Et c'est en dessous des draps que se retrouvèrent nos bras. Je me rappelle de son visage, tout le bonheur qu'il dégage. Aujourd'hui ce n'est qu'un mirage, plus belle lueur dans les nuages. Dès le lendemain matin, un sourire qui me fait du bien. Mais ce fut là la fin, moi je n'étais peut-être pas assez bien. Et si un jour vous la croisez, dites-lui que je veux l'aimer. Mais je sais qu'elle est trop bien pour m'aimer, moi Romain. C'est un tout petit peu comme Adam qui croque une pomme, c'est la tentation qui veut. Moi je n'ai rien demandé à Dieu, elle s'appelait comme moi. Sauf que ses lettres ne le voulaient pas, elle se plaçait donc dans un autre sens pour donner celle à laquelle je pense. C'est un tout petit peu comme Adam qui croque une pomme, c'est la tentation qui veut. Moi je n'ai rien demandé à Dieu, elle s'appelait comme moi. Sauf que ses lettres ne le voulaient pas, elle se plaçait donc dans un autre sens pour donner celle à laquelle je pense.